France Info fait sa rentrée scolaire en direct d'Angers. Le lycée, l'endroit où nous sommes, c'est un lycée-collège, mais on va évoquer le lycée, sa réforme, l'orientation. C'est l'endroit où on définit son avenir, son orientation future. Et c'est souvent Emmanuel Davydenkov, pour toute une vie, il ne s'agit donc pas de se tromper. Il ne faut pas se tromper, et surtout ça va désormais assez vite. Vous avez avec la réforme du lycée et d'autres évolutions récentes, une dissociation finalement des objectifs. Vous croyez rentrer au lycée en seconde pour 9 trimestres qui vont vous mener au baccalauréat, et à partir de là on s'oriente, et selon qu'on a plus ou moins bien réussi le bac, on s'oriente avec plus ou moins de liberté. En fait, ça ne marche plus comme ça aujourd'hui, puisqu'il faut se décider au bout de 7 trimestres, c'est-à-dire à la fin du premier trimestre de l'année de terminale, via un processus qui s'appelle admission post-bac. Et le baccalauréat, lui, viendra 2 trimestres plus tard. Et il aura un impact assez modeste sur l'orientation. Évidemment, il faut l'obtenir, parce que sinon, on ne peut pas valider son inscription dans le supérieur. Mais il a beaucoup moins de poids, finalement, qu'auparavant. Donc, vous avez un système un petit peu... une hydre à deux têtes sur la question de l'orientation au lycée, et peut-être une modification un petit peu du sens du lycée. Jean-Michel Boucher, vous qui êtes le proviseur de ce lycée, merci encore une fois de nous avoir accueillis, Jean-Marie Boucher, depuis ce matin, ce qui a permis aux auditeurs de France Info de vivre cette rentrée ici à Angers. La réforme, elle a changé des choses pour mieux accompagner les élèves dans leur orientation, dans leur perspective d'avenir ? Intimement, je le pense. Maintenant, ça n'engage que mon point de vue. Je disais même dans l'analyse préalable que nous avons faite dans cet établissement, lorsqu'elle est arrivée, que nous l'avons esquissée, on dirait presque qu'elle a été écrite pour un lycée général, puisque nous avons une offre de formation réduite et que nous ne proposons que des filières d'enseignement général, pas toute la variété de ce qui est proposé aux élèves dans les lycées d'enseignement généraux et technologique. On dirait que la réforme, elle a été taillée pour David Danger. Le propos est un peu nombriliste, mais ça, c'était aussi un mode de management pour dire aux enseignants de l'équipe que, ma foi, on n'avait pas beaucoup à perdre dans cette réforme. Ça ne veut pas dire que les conditions de travail n'ont pas changé. J'entendais les collègues, éventuellement le point de vue syndical, il y a un accroissement de la charge de travail. Néanmoins, il y a des germes, parce que je suis résolument optimiste et que dans un verre d'eau à moitié vide, je le vois à moitié plein à titre personnel, on a des leviers qui m'apparaissent comme étant très favorables dans cette réforme. Mais une modification profonde des conditions de travail. Et vous avez ajouté certaines choses en plus, je crois, par exemple cet entretien obligatoire en première. Alors, obligatoire. Vous avez instauré. Vous savez, il n'y a pas de force coercitive dans le monde de l'éducation qui permette de rendre les choses obligatoires, bien que je pense que la centrale, c'est le jargon qui chez nous désigne le ministère, a tendance à écrire des textes dont la traduction dans la réalité n'est pas toujours factuelle. J'en veux pour preuve cet entretien que l'on dit être l'entretien d'orientation qui était placé depuis beaucoup d'années. Je suis un mauvais lecteur des textes officiels. Je pense que cela fait au moins 8 ans. Monsieur Davydenkov pourra le confirmer. Il est plus spécialiste que moi. Et... Absolument, entretien obligatoire d'orientation. Je crois que même Jean-Luc Mélenchon, quand il était ministre délégué à l'enseignement professionnel, qui le premier avait parlé de tout cela. Alors sur le papier, c'est une très bonne chose. La mise en œuvre en est une autre. Nous travaillons dans l'établissement depuis maintenant 3 ans, progressivement, pour que le palier premier que l'on a voulu renforcer, comme étant... Avant, il était un peu le, non pas le parent pauvre de la seconde première terminale, mais les professeurs principaux étaient très chargés en seconde, très chargés en terminale pour toutes les opérations d'orientation. La première n'était pas une sinécure, mais quelque chose qui était considéré comme plus tranquille. Aujourd'hui, on s'aperçoit que l'on a tendance à porter beaucoup plus d'espoir sur le niveau première. Et bien évidemment, on a eu à rentrer avec les collègues dans ce processus. On l'a inscrit même, je pense, dans le contrat d'objectif. C'est même pas je pense, c'est sûr, dans le contrat d'objectif. Les collègues de professeurs principaux de première le font. Et ultérieurement, puisque j'aurai à dire un mot, avec l'appui des conseillers d'orientation. Parce que conduire un entretien, c'est un métier, c'est pas forcément celui d'un professeur principal. Mathilde et Théophile sont deux de vos élèves, juste à côté de vous. Bonjour. Bonjour. En quelle classe ? Terminale. Donc vous l'avez fait cet entretien d'orientation en... Eh bien moi, non. Non ? Non plus. C'était pas encore instauré, c'est ça ? La statistique est mauvaise, là, voyons. Ouais. Je vous ai pris au piège. Quelle filière vous avez choisi ? Est-ce que vous savez ce que vous voulez faire dans la vie ? Est-ce que vous êtes déjà déterminé ? Comment vous avez profilé votre avenir ? Mathilde ? Donc moi, je suis en terminale économique et j'avais pris l'année dernière un rendez-vous avec donc un conseiller d'orientation extérieure au lycée et donc qui m'avait amené à une filière Sciences Po ou à des études de ce niveau-là. Tu veux faire quoi ? Tu as une idée de... Non, pas particulièrement, pas d'idée précise encore. Et toi, Théophile ? Moi, c'est aussi un peu le lycée qui m'a poussé à faire des choix. En fin de compte, dans le lycée, en dehors de tout ce qui est scolaire, deux professeurs sont chargés d'un atelier qui s'appelle l'atelier spectacle, et en fait, qui permet à certains élèves volontaire de s'exprimer sur scène, ou, que ce soit par la musique, le chant, la danse. Tu as envie d'une vie artistique. Et voilà, c'est ce qui je comprends bien. C'est ce qui m'a poussé à réfléchir vers. Alors concrètement, quelle filière? Comment ça va se passer? Bien écoutez, je suis en filière littéraire. Avec la réforme en seconde, on propose aux secondes un enseignement qui s'appelle art du spectacle, qui fait découvrir aux élèves les différents domaines artistiques. Ça m'a aidé, et aujourd'hui je suis en filière littéraire parce que je suis passionnée aussi de littérature, et je pense que c'est ça aussi qui va m'apporter pour plus tard. C'est pas simple, hein, d'accompagner les jeunes dans leur volonté, Emmanuel. C'est d'autant moins simple, et on l'entend d'ailleurs quand vous vous exprimez, qu'ils sont tiraillés entre j'essaye de me choisir un métier, de construire un projet professionnel, ce qui d'abord peut être un petit peu tétanisant quand on a 16-17 ans, parce que ça fait Mathilde opine du bonnet quand je dis ça. Mais enfin, il y a l'idée de construction d'un projet professionnel. Et puis, il y a quand même, on est dans un univers où le poids des filières d'études est extrêmement important, les réputations des établissements. Voilà. Et donc, les jeunes sont pris dans ces contradictions-là. C'est vrai que le centre de gravité du lycée se déplace vers la classe de première. Ça n'est pas évident à gérer aujourd'hui. Justement, après le lycée, la suite, c'est l'université. Bonjour Philippe Leriche, vous êtes professeur à l'université d'Angers. Vous êtes ce qu'on appelle un ambassadeur. C'est-à-dire que vous venez ici pour informer les lycéens. Donc vous les conseillez, vous les écoutez d'abord, ils vous disent ce qu'ils veulent. Et comment ça se passe? Un petit peu plus général que ça, parce qu'on est parti d'un constat que l'image d'Épinal que les lycéens non seulement, mais que leurs parents et que le corps enseignant avaient du supérieur était parfois très poussiéreuse. Et donc on vient dans un premier temps présenter ce qu'est l'université aujourd'hui aux lycéens et aux enseignants, ce qui est notre première mission. Ensuite, pour tout ce qui est individuel, ça ne se passe pas au niveau du lycée, mais au niveau des portes ouvertes de l'université qui a lieu tous les ans au mois de février. Vous êtes invité. Et également via d'autres opérations, par exemple pour les vacances de la Toussaint, les lycéens pourront être accueillis pendant une semaine dans toutes nos filières universitaires. Ils suivront les cours de première année, des cours choisis pour qu'ils puissent suivre, pour qu'ils se rendent compte réellement de ce que c'est. C'est deux exemples parmi d'autres de ce qu'on peut mettre en place. Quelles sont leurs attentes? Ils vous le disent, ils sont inquiets, c'est un nouveau monde qui s'ouvre à eux? Leurs attentes, c'est clairement quelles études vont me fournir du travail. Il y a pas ça, c'est le côté inquiet. C'est pas seulement le côté j'ai envie de faire quelque chose qui va me plaire, de l'art, de faire sciences politiques. C'est vraiment d'abord, mais est-ce que la filière qui m'intéresse, ça va me donner du travail? Et c'est vraiment un discours qui est très important chez les jeunes et auquel il faut que nous, qui au départ sommes des universitaires, donc qui n'avons jamais connu la vraie vie, nous apprenions. Vous êtes passé par le lycée et le collège aussi, quand même. Hein. Oui, mais on apprend à non seulement à communiquer, mais à bien montrer aux jeunes que l'université, c'est une formation professionnelle. Il n'y a pas que le doctorat, le chercheur dans sa bulle. Hein, il y a les sorties à Bac plus 3, Bac plus 5, Bac plus 8, qui sont toutes professionnelles et qui conduisent toutes à des métiers. Et c'est un discours qui doit être vraiment asséné. Jean-Marie Boucher, un ambassadeur comme cela, c'est un cas un peu rare dans votre lycée ou c'est généralisé? Ça s'est mis comment en place? Dans l'éducation nationale, moi je suis un soutier, hein, je ne vois pas la dunette, je travaille dans la salle des machines. Bon, disons vous avez votre mot à dire, vous aussi. Oui, mais bon, et vous savez, chacun a son mot à dire, mais il n'est pas forcément pertinent. Moi, Philippe Leriche, c'est un bonheur de l'avoir dans l'équipage. Je n'ai qu'à me louer, parce qu'il fait partie de ces gens, on donne une idée, ça suit. Alors donc, enfin, ça suit ou ça précède même, mais c'est actif. Merci en tout cas de cette réflexion autour de l'orientation des élèves. Jean-Marie Boucher, donc proviseur du lycée, Mathilde et Théophile, deux élèves. Bon courage pour la nouvelle année qui commence. Et Philippe Leriche, prof à l'université d'Angers. Vous écoutez France Info juste après le rappel de l'actualité. Il est 13h45. Nous verrons comment s'engage la refondation de l'école voulue par le nouveau gouvernement. Retrouvez-nous sur franceinfo.fr et si vous le voulez, vous pouvez encore poser des questions par Twitter @franceinfo.